La délégation du ministère coréen de la Santé publique, conduite par son ministre Kang Ha-gu, a quitté le 26 Pyongyang par train pour participer à une réunion pour l'innovation mondiale de la santé publique prévue à Doha, Qatar.